Alors voilà, il est 17h35. Nous sommes le 24 juin 2016. C'est parti pour un très très gros week-end. Je vais prendre la route pour Paris pour aller ce week-end à MP3 Paris. Donc j'ai hâte, on va retrouver tous les copains, on va retrouver une bonne partie du podcast Techcraft. Ça va être génial. Le TGV numéro 5400. Du coup, journal de bord de MP3 à Paris de ce On ouvre l'alcool. week-end. C'est ça, c'est ça. Après vous avoir lâché à mon arrêt de Merci, bus devant celui-là. chez moi, Elle a bien il est commencé. maintenant 22h12. Nous sommes avec Phil. 45. Quoi? Ça, c'est mon verre. Oui, non, mais attends, tu nous déconcentres, on n'arrive pas à savoir. Je crois qu'il t'a servi une belle rasade de whisky. Est-ce que Bah, t'en on fait un bois? mix des deux. On la boira lentement, c'est pas grave. Et Oui. on a retrouvé Kenton sur la route aussi. Bonsoir. Donc voilà, on est allé manger un petit Ce soir, peu, Kenton est hein. le barman. Et là, Kenton est en mode un peu barman. On profite de cette première soirée parisienne. C'est bon, donc je l'enlève, je l'accroche à l'aimant, et une heure plus tard, c'est fini. Je vais faire une vidéo si vous acceptez. Ouais, Ça risque d'être sur ma chaîne, je fais une sélection de plans c'est pas grave. pas grave. Ils ont La pas vu promotion sous de ma gueule, l'alcool. mais ils l'ont déjà vu. Voilà, on vient de finir de manger indien. Alors, c'est-à-dire que l'Indien, on l'a laissé à sa place, on l'a pas bouffé. Quoique, on a bien voulu bouffer vu l'accueil qu'il nous a fait, mais après, il était sympa, il nous a C'était offert très trois sympa. donuts là C'était très Non, sympa. C'était des ouais. wings. C'était des Et on wings. se retrouve dans la chambre Bonjour. avec tout le monde. Oui, t'as vu, t'avais Bonsoir. une lumière qui marche Ah oui, donc pas. ça c'est. Ah non, Ah si, ça si, ça marche. y est, Ça met un peu de temps. waouh! Terrible! Voilà, et puis on boit du coca. Oui. Du coup, voilà, du placement de produit. C'est Exactement. ça. Voilà, donc une chambre très spacieuse. Enfin, on a l'impression avec la GoPro, mais en fait, elle doit faire la taille de mon toilette. Bien beau. Bon allez les loulous, on y Enfin va. à l'entrée. Ah bien, bien, Ah, il pas a pris la mal. bonne boisson. Ah. On a tous fait la vanne déjà de prendre du Oasis, donc t'inquiète Apparemment, faut pas. bien un petit mot pour. On a quand même retrouvé depuis hier Seven. Ouais, bonjour, c'est moi, Seven. Et on a également retrouvé depuis hier Damien. Oui, Bonjour. bonjour. Donc voilà, c'est bon, toute l'équipe qui devait se retrouver à. MP3 à Paris hier, on est devant. Attends, t'as pas vu Ekechi ni Kaldin? Non, mais je parlais du groupe qui va à l'hôtel. Ah Je ouais. sais même pas si on nous entendra avec ce vent. Bah, du coup, on se dit rendez-vous à l'intérieur. Sécurité passée, c'est grand. C'est l'université Jussieu à Paris, enfin Pierre et Marie Curie à Paris. On est en train d'arriver tranquillement, on a déjà vu plein plein de gens, ça va être assez foufou. Mais bon. Dans le bâtiment, non, mais on est dans Vous entendez Kenton peut-être qui est déjà en train de galérer à en rattraper. Ah si, je le vois avec Itchy. Donc il est rentré. Je t'avais dit. Donc il est putain de rentré. Voilà, c'est ce qu'on dit avant. Attends, j'ai eu du vent tout à l'heure, attends. Bonjour Ekichi, on va le rejoindre. Et bonjour. Et voilà. Encore à l'intérieur. Ah, bonjour Milou. Toujours en installation. Il est 9h37, il reste 20 minutes. C'est assez grand, il y a déjà beaucoup de monde. Beaucoup de sagas MP3 qui ont des sacrés stands quand même, hein, tu sens qu'ils sont bien installés, nous, avec nos petites cartes de visite à côté. On a un train de retard, mais bon, c'est plutôt cool. Puis c'est sympa, on a vu plein de monde, il y a Blast, il y a Walter, il y a TMDJC, il y a les gens de Techcraft qui sont arrivés. Ah, il y a Phil qui est en train de me parler, en train d'enregistrer. Ouais! Non mais du coup, je m'amusais comme un petit fou tout le week-end à monter ça. Bon, ensuite, j'ai un peu oublié de prendre des, de ressortir mon micro pour faire de nouveaux enregistrements. Donc, je vais un peu vous blablater, vous présenter tout ce qui s'est passé. Donc, après avoir retrouvé les différents podcasteurs et les copains et d'en découvrir d'autres, Walter, Picabou, Jonathan, Conan McFly, et j'en passe, hein, il y en avait vraiment beaucoup. Tout le monde s'est un peu installé, on a mis nos petits flyers à droite à gauche. Ensuite, on est suivi dans un amphithéâtre juste à côté, différentes animations. Il y a eu un premier truc, c'était un burger quiz. Ensuite, il y a eu une conférence de Blast, où malheureusement je ne suis pas resté. Mais du coup, après pour le midi, alors là c'est plus le côté personnel qui va parler parce que on était une petite dizaine seulement. On est allé manger dans un pub qui s'appelle Le Bombardier à Paris, où nous avons retrouvé les supporters gallois qui étaient en train de se chauffer pour le match du soir qui était au Parc des Princes. Ils étaient en forme, selon les serveurs, ils étaient déjà au taquet depuis 9h le matin, mais l'ambiance était plutôt bien. Je vous laisse un peu apprécier, alors on comprend pas grand chose, mais vous pourrez les entendre un peu en fond qu'ils étaient au taquet quand même. Et pour poursuivre sur l'après-midi, nous sommes revenus un peu tard et nous avons assisté du coup à la conférence de Monsieur Phil Good, qui a fait une conférence qui s'appelait « Arrêtez de faire du podcast ou de la saga MP3 ». J'ai décidé qu'il n'y avait rien de mieux à faire à MP3 à Paris, où enfin, pour la première fois, la saga MP3 et le podcast se rejoignent dans un événement commun, que de vous dire d'arrêter de faire du podcast et de la saga MP3. Alors, avant tout, hein, qui c'est le con qui est en train de vous parler? Donc je me présente, je suis Phil Good cette année avant que si vous... Si vous voulez suivre la version intégrale, elle est disponible sur YouTube. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. C'était très intéressant, parce que finalement c'était une manière de confronter un peu les deux milieux, de parler, de décortiquer un peu tout ce qui se faisait, et ça a duré une heure, avec à la fin quelques questions-réponses... Qui était assez intéressant, pour échanger. Ça s'est même poursuivi avec certains en dehors de cette conférence, qui a amorcé des questions et des interrogations qu'on s'est un peu tous posées. Et donc c'était très sympa. Ils ont une réelle implication. Oui, pas que dans le monde du podcast et de la saga MP3. Ils ont une vraie implication dans le monde véritable de la réalité. Je m'explique. Parce que c'est pas très clair. Imaginons que demain, vous avez un entretien d'embauche et on vous demande quelles sont vos compétences. Au final, si vous arrivez à bien tourner les choses, eh ben, éventuellement, ça peut vous ramener du brousouf. Bon, ça peut vous ramener juste le poste dans la situation actuelle, et déjà, ce serait pas mal. Mais du coup, il faut savoir expliquer ce que c'est le podcast ou la saga MP3. Si vous voulez expliquer ce que c'est la saga MP3, que vous appelez signer, ça prend 1h14. Et ensuite, le soir, c'était une soirée standard. On est allé manger sur les quais de Seine. C'était vraiment bien. C'était très, très agréable. Il faisait un peu frais, mais on arrivait à supporter la température. Ça a eu l'occasion de discuter encore avec d'autres gens, avec d'autres copains qu'on ne voit pas forcément très régulièrement parce qu'on habite un peu aux quatre coins de la France ou pas forcément tous sur Paris. Bon, alors désolé, j'ai absolument oublié toute la journée d'hier de faire des micro-interviews. Du coup, je pense que je vais le monter pour l'exercice, mais je ne la publierai pas en public. Nous sommes le dimanche matin, il est 9h52. Je viens de quitter l'hôtel, vous entendez très probablement le périphérique de la rue à côté de moi. Mon train est à 12h15 à Montparnasse. Je ne sais, mais je suis parti parce que je tourne en rond comme un lion en cage et j'en avais marre. Je vais aller squatter pour le moment la gare Montparnasse parce que je n'ai pas entendu d'autres personnes disponibles actuellement. On verra bien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une première pour moi de faire un petit reportage audio. Je me suis bien amusé à le faire. Je sais que j'aurais dû penser plus à refaire des enregistrements pendant l'événement. Ça aurait été un peu plus sympa d'avoir du contenu que de tenter de meubler avec ma voix que vous connaissez tous. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter, à la partager si ça vous dit.